Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de En route vers l'insertion. C'est Chris et pour ce nouveau numéro, je reçois par téléphone Frédéric Jacopin, agent cadrant du chantier d'insertion Les Voivres, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, avec ce beau temps. Donc on va commencer tout de suite. Donc Frédéric, pouvez-vous en quelques mots nous présenter le chantier d'insertion Les Voivres? Alors, le chantier d'insertion des Voivres, c'est un chantier dirigé par la commune, par la mairie de Les Voivres. Et donc, le président, c'est Michel Fournier, qui est président des maires ruraux des Vosges, etc., qui a plusieurs étiquettes. Alors, ça nous aide pas mal sur le chantier également. D'accord. Alors, le chantier, nous, il est très diversifié dans son travail. On fait du bûcheronnage l'hiver, de la livraison de bois l'été. On fait de l'entretien de la voirie, de l'espace vert, rénovation des bâtiments communaux, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, d'entretien de petites maçonneries, voilà. C'est les gros chantiers que nous faisons, quoi. D'accord. Est-ce que tout le monde peut intégrer ce chantier d'insertion ou y a-t-il des conditions? Ah, il y a des conditions, il faut être éligible, c'est-à-dire que il faut être en fin de droit de chômage, au RSI, d'accord, ou, voire au RSA, parce que c'est des obligations de Pôle emploi et puis de la région qui nous subventionne ses salariés, si je puis dire. D'accord. Mais une personne qui est en droit de chômage ne peut pas rentrer sur le chantier, tant qu'il a des prestations assédiques par le Pôle emploi, par le fait. D'accord. Et donc, je suppose que le chantier d'insertion propose différents contrats? Tout à fait. Alors, en règle générale, la personne qui arrive sur le chantier a un contrat de 4 mois à hauteur de 26 heures semaine. D'accord. Voilà. Sachant que le contrat global ne peut pas excéder 24 mois. Est-ce que tous les contrats ont le même quota d'heures ou pas? Non, j'ai certaines personnes donc qui sont seulement arrivées en début de ce mois-là, qui sont à 26 heures, et une bonne partie est à 30 heures. D'accord. Donc voilà. C'est un peu comme si vous étiez le patron de ces demandeurs d'emploi, entre guillemets. Oui, c'est un peu ça, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que Les Voivres, c'est une association? Non, c'est pas une association. Hein, c'est le chantier d'insertion dépend de la commune des Voivres, voilà. Je suis le principal encadrant du chantier, et j'ai deux personnes pour m'épauler. D'accord. Qui faisaient partie du chantier d'insertion, et qu'on a sorti du lot, si je puis dire. Pour m'épauler, quoi, parce que le chantier représente, moi confondu, 18 à 20 personnes quand même. D'accord, d'accord. Donc ce n'est ni une association, ni une collectivité? Non, non. Ça dépend tout simplement de la commune des Voivres, voilà. D'accord. Ça serait plus de la collectivité, quoi, mais indirectement, si je puis dire. D'accord. Et donc, est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre une association et une collectivité? Une association... elle est obligée de rentrer de l'argent, si je puis dire. D'accord. De trouver des chantiers, faire des devis, et puis de la facturation derrière. Nous, on n'a pas le souci là, nous. Nous, on travaille pour la commune, tout simplement. L'entretien de la commune dans tous ses états, si je puis dire. D'accord. Donc oui, donc une collectivité, une association, c'est complètement différent. Ah oui, oui, oui. Financièrement, nous, on n'a pas de compte à rendre. J'ai pas de compte à rendre à la mairie, quoi. Nous, on fait l'entretien de la commune en tout genre. Et voilà, nous avons des aides de la région, et la commune fait la pointe, quoi, si je puis dire. D'accord. Voilà. Et donc, pour en revenir au contrat, je l'imagine que le but de ces contrats, c'est de permettre aux adhérents, entre guillemets, de se réinsérer dans le monde du travail. Oui, de s'intéresser. Parce que certaines personnes, c'est très varié. Hein. J'ai des jeunes de 20 ans, là j'ai une personne que j'ai embauchée qui lui manque un an de cotisation pour sa retraite. D'accord. Et donc, on va l'amener tranquillement à la retraite, cette personne-là. D'accord. Alors, donc, pour les jeunes, oui, c'est les insérer dans le monde du travail, les aider à leur payer le permis, hein, parce que beaucoup n'ont pas de moyens de locomotion. Là, sur 17-18 personnes, j'en ai 6-7 minimum qui n'ont pas le permis, quoi. D'accord, oui. Ouais, et donc, dans le monde rural, sans permis, sans diplôme, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Compliqué. D'accord. Donc je propose que nous nous accordions directement une première pause musicale. Oui. Nous allons écouter Angèle avec Balance ton quoi, et nous nous retrouvons juste après. D'accord. Des animaux, de toutes les chattes, ça parle

ne veulent pas faire des tâches qu'on leur demande. D'accord. Mais bon, je ne vais pas généraliser, hein. Je veux dire, c'est peut-être 60-70% qui travaillent correctement dans l'ensemble. D'accord, d'accord. Donc, le chantier d'insertion Les Voivres, il accueille des demandeurs d'emploi. Oui. Et donc, pour ces demandeurs d'emploi, est-ce que c'est facile de reprendre une habitude horaire quand on a été éloigné du monde de travail depuis un certain temps? Dans l'ensemble, oui, quand même. D'accord. Oui, quand même des gens qui sont responsables par rapport à ça, ils sont à l'heure, il n'y a pas de souci. D'accord. En moyenne, on prend le matin 8 heures le travail, mais certains s'investissent bien, ils sont déjà là à 7h30 pour préparer le matériel, et puis d'autres arrivent juste pour 8 heures, mais ça, c'est la vie qui est comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Bon, les demandeurs d'emploi qui intègrent le chantier d'insertion Les Voivres, oui, ont-ils d'autres problèmes, que ce soit au niveau de l'organisation, de la discipline ou autre? Ben, certains ont déjà le problème de locomotion, comme je vous le disais. J'ai des jeunes qui ont 30 ans, hein, qui n'ont toujours pas le permis, et donc ces jeunes, ben, ils viennent encore au voiturage, c'est compliqué quoi pour eux. Oui, j'imagine. J'en ai eu certains même qui ont arrêté les contrats par rapport à ça, parce qu'ils n'avaient pas de moyen de locomotion, ils étaient à une quinzaine de kilomètres de Les Voivres. Hein, parce qu'on a un personnel, ça s'étale jusque Golbey, Pinal, voilà quoi, hein. Fontenoy-le-Château, Certigny, c'est un rayon de 15-20 km quand même. Oui, d'accord. Et donc, comme autre problème, certains ont des petits problèmes d'addiction. Alors, il faut gérer tout ça, quoi. Des addictions, c'est-à-dire? Oui. Est-ce que vous voulez développer ou... Consommation d'alcool excessive les soirs, et puis les matins, ils sont pas très lucides, quoi, ou voire un peu de stupéfiants, mais c'est minime. Sur le chantier, ils sont corrects, mais voilà, quoi. Il faut gérer, quoi. C'est sûr. Voilà. Et donc, ces demandeurs d'emploi, ont-ils des peurs en particulier? Des peurs. Des peurs, certains, oui, ont peur de quand ils arrivent en fin de droit de contrat, de pas retrouver de travail, par exemple. D'accord. Parce qu'on est quand même dans un monde rural, et puis le travail, il est rarissime maintenant, hein, sur le secteur. Oui. Et donc, est-ce que le chantier d'insertion Les Voivres, pardon, est-ce que vous pouvez faire plusieurs contrats à une seule et même personne ou pas? Ah oui. Comme je vous le disais tout à l'heure, le premier contrat est toujours à hauteur de 4 mois, oui, à raison de 26 heures. Et puis si la personne convient, qu'elle s'investit, on passe tout de suite un contrat de 6 mois à 30 heures. Et la personne-là, on peut l'amener jusqu'à 24 mois sans problème. D'accord. Mais en moyenne, ça ne va pas au-delà de 24 mois. Hein. C'est des règles d'État, hein, c'est un règlement. Voilà. D'accord. Donc, quand ces demandeurs d'emploi sont sous contrat d'insertion avec vous, est-ce qu'ils sont toujours considérés comme demandeurs d'emploi? Ah non, ils ne sont plus demandeurs d'emploi, non. D'accord. Concernant les actions, quelles sont les actions que mène le chantier d'insertion Les Voivres pour permettre à ces demandeurs d'emploi de trouver un autre emploi? Eh ben, on essaye de les aider à passer le permis, hein, pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion. On essaye de leur trouver des formations, soit par le biais des AFPA, bien souvent. À certaines personnes, on leur a financé, autofinancé avec l'aide de Pôle emploi de l'État et de la commune, si je puis dire, le permis poids lourd, des cassettes chariot élévateur, voilà, c'est assez diversifié, quoi. D'accord, d'accord. Si le demandeur d'emploi trouve un emploi pendant son contrat d'insertion, on fait une rupture de contrat, tout simplement. C'est légal, tout simplement. Donc il n'y a pas de démarche particulière pour rompre son contrat? Non. Si la personne... elle a un mois, et puis que 8 jours après, elle trouve un emploi réel, il n'y a pas de souci, quoi. On lui solde son compte, et voilà, quoi. D'accord. Et donc, si ce contrat, d'emploi ne porte pas ses fruits, est-ce que le demandeur d'emploi peut récupérer son poste dans le contrat d'insertion, ou doit-il entreprendre d'autres démarches? Il faut qu'il entreprenne une démarche qui serait actualisée, et on peut le reprendre quelques mois plus tard, oui, ça arrive. D'accord. Et est-ce qu'il y a un minimum pour avoir de le reprendre, 2 mois, 3 mois? Bah, après, ça dépend pourquoi que ça n'a pas convenu par rapport à son emploi qu'il a trouvé, quoi. D'accord. Si c'est lui qui a fait vraiment une faute grave ou je sais pas, c'est pas forcément évident qu'on le reprenne non plus. Mais si c'est une personne qui a été très sérieuse sur le chantier puis que l'emploi qu'il occasionne ne lui convient pas, bon, on le reprend, oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, le chantier d'insertion Les Voivres, est-ce qu'il... Il organise des CDD, des CDDI, des CDI? De toute façon, comme je vous dis, hein, c'est 24 mois maximum pour ceux qui sont en chantier d'insertion. Oui. C'est des CDDI, qu'on appelle ça, s'il me semble bien. D'accord. Et après, là, sur le chantier, j'ai eu 2 personnes qu'on a pris en CDD, qui sont sorties hors chantier d'insertion. ces deux personnes-là qui m'épaulent. D'accord, d'accord. Mes adjoints par la fête. Donc ils ont eu un contrat de 3 mois, ils en ont un de 6 mois, ils sont à 35 heures. Après dans l'avenir, je ne sais pas si on les gardera, je ne peux pas vous dire, hein, c'est pas moi qui décide de tout. Mm-hmm. Voilà quoi. D'accord. Donc on va s'accorder une dernière pause musicale. Oui. Ça nous en écouter Queen avec We Are The Champions. Et on se retrouve juste après. Ok, merci. Mistakes I've made a few. I've had my share. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Queen, We Are The Champions. Et nous sommes toujours avec Frédéric Jacopin. Ça va toujours ? Oui, ça va très bien. Donc, nous avons une nouvelle fois un petit peu parlé pendant la pause musicale. Et donc, est-ce que le chantier d'insertion Les Voivres a un comité de suivi ? Oui, tout à fait. Nous avons plusieurs réunions annuelles, en moyenne 4 par an, des fois 5. Ça dépend le renouvellement du personnel. Des fois, on a des vagues de personnel, des nouveaux, des départs... voilà, donc il faut suivre, quoi. C'est pour ça qu'on appelle des réunions de comité de suivi. D'accord, d'accord. Pour voir l'évolution des salariés, s'ils apprennent, s'ils régressent, et voilà, quoi. S'ils ont de l'ambition derrière le chantier, pour la suite. Oui. Certains oui, d'autres non, voilà, quoi. D'accord. Est-ce que le chantier d'insertion Les Voivres travaille avec d'autres organismes, comme Pôle emploi ou autres ? Ah oui, tout à fait, avec Pôle emploi, avec le conseil départemental, la région, ce sont les organismes principaux, si je puis dire. D'accord, et avec ces organismes, est-ce que ça vous arrive, plus ou moins souvent, d'organiser des périodes d'immersion pour les adhérents au chantier d'insertion Les Voivres ? Ah tout à fait, oui, on a même des obligations de leur faire des immersions, que ce soit chez un artisan maçon, un peintre... en maçonnerie, en mécanique, voilà, chacun essaye de trouver sa voie. D'accord. Alors des fois, ces périodes d'immersion, elles sont que d'une semaine. Des fois, ça peut aller à un maximum d'un mois. D'accord. Voilà quoi. Puis certains découvrent leur voie et puis arrivent sur une formation et retrouvent un emploi réel par la suite. D'accord. Donc j'imagine que vous avez quand même des comptes à rendre à ces organisations, à ces organismes. Pardon, j'ai pas. J'imagine quand même que vous avez des comptes à rendre à ces organismes. Oh. Ah bah tout à fait. Oui. Il faut. En fin d'année, on fait un bilan et il faut argumenter. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut se défendre, quoi. Il faut se battre au quotidien. D'accord. Pour avoir des résultats, quoi. D'accord. Donc tout à l'heure, nous parlions des différents contrats que le chantier d'insertion Les Voivres propose, dont les CDDI. Oui. Et donc, quels sont les objectifs du CDDI que propose le chantier d'insertion Les Voivres? Ah bah, ce qu'il propose par rapport aux salariés? Oui. Ah ben, ceux qui n'ont pas le permis, comme je vous le disais, c'est essayer de les aider financièrement pour leur permis VL, voiture. Mmh. Les autres, on essaye de leur trouver une formation. Voilà quoi. D'accord. On fait un peu de social aussi. Si certains ont des problèmes de locomotion, c'est arrivé à une certaine époque qu'on leur prêtait des mobilettes pour les aider quoi. D'accord. Et donc, est-ce que ce CDDI peut être suspendu, voire annulé? Tout à fait, oui. Si le personnel fait une faute grave, je veux dire s'il vole ou s'il n'est pas assidu, s'il est 8-10 jours sans absent et qu'il ne prévient pas, fatalement c'est des fautes irréversibles, quoi. Bien sûr. Autrement, par contre, il y a des personnes qui trouvent une formation ou un emploi par le biais d'un intérim ou un contrat dans une entreprise. Alors là, on casse le contrat purement et simplement, mais Oui, bien voilà sûr. Quoi. Donc avant de terminer cette émission, est-ce que vous avez un dernier mot? Bah, je pense que le système est pas mal, les chantiers d'insertion. Je pense que il y a beaucoup de positifs quand même. D'accord. Ça incite les gens à se lever le matin, à ne pas tourner chez eux dans leur cuisine, à ruminer, si je puis dire. Mm-hmm. Et certains travaux que nous faisons, c'est des travaux qui restent, hein, je veux dire, voilà quoi. Hein. Quand on fait de la création d'espaces verts, de la rénovation de bâtiments, c'est des travaux qui restent. Et les gens, quand ils repassent plusieurs années après, ben, ils sont contents. Mm-hmm. Ils sont fiers, quoi, tout simplement. Donc j'imagine que vous encouragez toutes les personnes éligibles, entre guillemets, à venir vous trouver pour se réinsérer dans le monde du travail. Tout à fait, dès qu'elles répondent aux critères de, comme je vous l'ai dit tout en début d'émission, il n'y a pas de souci, oui, on prend, on est preneur. D'accord, donc vous accueillez tout le monde. Tout à fait, puis on a toujours du travail, on a toujours de quoi faire, quoi. Le personnel ne reste pas des journées complètes sans rien faire, ça c'est... Mm-hmm. Voilà, il n'y a pas de souci. Cependant, j'imagine que... Ce chantier d'insertion Les Voivres, j'imagine qu'il n'est ouvert qu'aux personnes majeures. Tout à fait, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Peut-être des fois, nous prenons des petits stagiaires qui préparent un BEP, horticulture, tout ça, mais c'est très peu dans l'année, c'est peut-être 2-3 personnes à hauteur d'une semaine, quoi, en moyenne. D'accord. Voilà. Donc c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de En route vers l'insertion. Je remercie une nouvelle fois Frédéric Jacopin d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de En route vers l'insertion et lundi pour un nouveau numéro de La Christoire du cinéma, mais vous connaissez la chanson désormais. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.